Elle en a vu des gangsters passer devant elle, mais c'est qu'avec mes yeux qu'on touche son corps. C'est pas une meuf d'insta, casée par la ville, visage fermé comme si son cœur était mort. Elle sait comment nous rendre instables quand elle boum tam tam sans faire tam, c'est son petit secret. Ces femmes la trouvent détestable, elle est intestable. La légende dit que le bail est sucré. C'est pas Gilo, mais c'est tout comme je la préfère à toutes. Elle réveille tous mes doutes, elle n'a plus peur des hommes. Réécrit tous mes tomes, je la prends sur ma route. Je paierai ce qu'elle coûte de mon sang, de mes sommes. Ça veut goûter la vie de voir plus près des formes naturelles. Et même si c'est le temps d'un soir, laisse-moi confirmer que tu es réel. À Boulogne. Ce qu'il y a de plus beau dans ce monde pour moi. Elle chante en faisant la vaisselle, je rigole quand elle se rebelle. Je la défie de me demander le monde pour voir. Qui n'a jamais eu envie de franchir la ligne, mais non merci, on ne touchera pas la fille du boss. Elle a le style authentique, les low qui tous les hommes apprécient, mais pas touche à la fille du boss. Et c'est bien elle la plus dangereuse. Elle vend mon or, pour elle je déclenche une guerre. On s'approcher d'elle c'est dangereux. Si Dieu me l'offre alors j'en ferai une mère. Te voir le plus près des formes naturelles. Et même si c'est le temps d'un soir, laisse-moi confirmer.